L'éléphant bleu. Dans les racines, les archives de son esprit, chaque souvenir est bien inscrit. Comme un journal, il les relie avec une mémoire infinie. L'éléphant bleu, gardien des mémoires, dans son esprit, un vaste territoire. Il se souvient de chaque histoire. L'éléphant bleu, notre mémoire. Son cerveau est un grand processeur, stockant chaque instant avec ferveur. De l'oubli, il n'a pas peur, sa mémoire vive est un trésor. Chaque souvenir est une page. Dans son autobiographie, un voyage, il honore chaque commémoration avec une précision sans hésitation. Éléphant bleu, gardien des mémoires, dans son esprit, un vaste territoire. Il se souvient de chaque histoire, l'éléphant bleu, notre mémoire. Dans son esprit, un vaste océan où chaque souvenir est un diamant. Il se souvient de chaque moment avec une mémoire impressionnante. L'éléphant bleu, gardien de nos mémoires, dans son esprit, un vaste territoire. Il se souvient de chaque histoire, l'éléphant bleu, notre mémoire. Chaque instant dans son cœur avec une adresse et une grande ferveur, sa mémoire est un précieux trésor, un monument vivant, un phare d'or. Bleu, gardien de nos mémoires, dans son esprit, un vaste territoire. Il se souvient de chaque histoire, éléphant bleu, notre mémoire. Chaque souvenir est une étoile, dans son ciel, il les dévoile avec une précision mnémotechnique. Il retient tout, c'est magique. Éléphant bleu, gardien des mémoires, dans son esprit, un vaste territoire. Il se souvient de chaque histoire, éléphant bleu, notre mémoire. Comme un monument de la mémoire, il se souvient de chaque histoire, chaque instant est un trésor, qu'il garde en lui encore et encore. Éléphant bleu, gardien de mémoire, dans son esprit, un vaste territoire, il se souvient de chaque histoire. L'éléphant bleu, notre mémoire. Blue Elephant. J'ai juste à préciser que les enculés qui tuent les éléphants, ah bah c'est des enculés.